Ils en sont bien fins 24 heures, là, c'est parce que c'est pas un média de masse. C'est extrêmement décevant. Extrêmement décevant. Joanne a le tête sur le cul, là. Je la connais un peu, là. On n'est pas de bonne humeur de ça. Écoute, surtout quand on voit que là, deux ou trois jours, on donne un 15 minutes live à RDI à des imbéciles, là, je veux dire les vrais mots, là, la classe, des communistes, là. Oui. À un moment donné, si t'arrives et t'apportes pas au moins le contrepoids à ce discours idiot-là, ben à un moment donné, c'est plus du reportage, c'est plus du journalisme, c'est de la propagande, c'est de l'info-pub. Donc à un moment donné, c'est désolant de voir ça. On peut pas considérer que Radio-Canada peut déplacer son équipe technique de télévision pour ces communistes-là, alors que quand c'est bien temps de parler à la classe moyenne, aux contribuables normaux, là, on les ignore carrément. Surtout qu'on joue la vraie game. Là, on n'a pas fait ça sur le coin d'une table. Il y a un communiqué de presse qui est envoyé deux jours à l'avance, en répétition deux fois, et puis également cette mémoire de 17 pages qu'on a présentée aujourd'hui. Là, c'est 17. On va tomber dans le mémoire, Yann. On va prendre le temps de le faire ici à Radio X, dans Morel Live. Mais juste pour finir avec ça, là, si, encore une fois, dans vos trocs à la maison, dans vos chars, si vous vouliez une preuve patente du biais médiatique québécois en faveur de la gauche, en faveur des barbichettes et en faveur des communistes, des anticapitalistes, des écolos dingos à gogo, du style de l'AC, qui ont eu 15 minutes live, 15 minutes en direct, lancé 15 minutes en direct et Radio-Canada n'envoie même pas de Kodak pour au moins vous clipper. Tu sais, tu fais un petit clip au moins, tu le mentionnes à RDI. C'est pathétique.